mis dans ma capuche en riant. Tes six sourires alcooliques ne m'éveillent pas en poussant. Ne m'éveillent pas en poussant. Maman peine chante là-haut, je crois, là-haut, je vois. Descendre la lumière, tes pompes funèbres accrochées en croissant de lune, en croissant la vie. Je n'ai plus jamais froid, je n'ai plus jamais toi, je n'ai plus jamais. Ah.